voilà, c'est fini. On attend ressasser les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté. Que voilà, c'est fini. Trouve un autre rocher, petit huître perlé. Ne laisse pas trop couler de temps sous ton petit nez. Car c'est fini. C'est fini. Voilà, c'est fini. On va pas dire au revoir comme sur le quai du gare. Je te dis seulement bonjour et fais gaffe à l'amour. Voilà. Aujourd'hui ou demain, c'est le moment où jamais. Peut-être après-demain, je te retrouverai. Car c'est fini. C'est fini.